recèle se masse. En ces grises murailles, un légendaire exploit à jamais effacé. Peut-être, mais je sais que toutes ces pierrailles ont un muet langage où sourit mon passé. Ont un muet langage où sourit mon passé. Dans un susurrement, parfois je crois l'entendre rappeler à mon cœur certains chers souvenirs. C'est là qu'on m'éleva, rib, ce nom si tendre, évoquant moi des jours que rien ne peut ternir. Évoquant moi des jours que rien ne peut ternir. À tant d'autres pareils, une humble et vieille ferme, avec sa basse cour, ses vergers et ses champs, et ses grands châtaigniers, mais seul elle le renferme, du frêle enfant d'hier, les pensées si touchantes, du frêle enfant d'hier, les pensées si se masse dans la terre féconde, a fait germer des blés et les raisins mûrir. Peut-être est la raison qu'encore je suis au monde et qu'il me serait doux d'y retourner courir. Peut-être est la raison qu'encore je suis au monde et qu'il me serait doux d'y retourner courir.